Audiomatique. C'est la transmission 570 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter le projet anglais Me Lost Me, mené par Jane Dent, de son sixième album This Material Moment, qui est paru le 27 juin 2025. Nous écoutions la chanson Have You Been Changing? Et poursuivons maintenant sans attendre avec le groupe Phobia. Nous avons conclu cette séquence musicale avec la pièce El Arbol, tirée du premier album homonyme du groupe Moldes, paru en 2010. Avant Moldes, c'était la formation Loop, de qui nous écoutions la pièce Supra, apparaissant sur le plus récent album Son Ansi, sorti en 2022, soit 32 ans après l'album précédent A Gilded Eternity, qui était sorti en 1990. Et pour amorcer la séquence musicale, nous avons écouté le groupe péruvien Phobia et sa composition Aquel Lejano Camino a Casa de l'album El Signo Movimiento. Audiomatique se poursuit maintenant avec l'artiste anglais Mark Stewart. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic, au duo américain Mission to the Sun, de son troisième album Seven Years, qui est sorti le 27 juin 2025. Nous écoutions la chanson Waiting for the Sun. Tout juste avant, c'était le projet anglais Rival Consoles, mené par Ryan Lee West, avec la pièce-titre de son album Now Is, paru en 2022. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait de l'artiste anglais Mark Stewart, qui est malheureusement décédé en 2023, de son huitième album solo, The Fateful Symmetry, qui est posthume puisqu'il a été lancé le 11 juillet 2025. Nous avons diffusé la pièce Blank Town. Audiomatic se poursuit avec la version que nous offre le groupe Coil de la pièce Who by Fire, originalement composé par Leonard Cohen. Trial. Who in your my very slow decay. And whom shall I say is calling? And who in her lonely sleep, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blurred,

Audiomatique. Nous venons d'entendre une pièce ambiante composée par David Bowie en collaboration avec l'artiste Brian Eno. Intitulée Moss Garden, cette composition apparaît sur l'album Heroes, paru en 1977, un album qui fait partie de ce qu'on appelle la trilogie berlinoise de David Bowie, qui inclut aussi les albums Low et Lodger. Avant cela, on écoutait un extrait de la trame sonore du film Siesta, paru en 1987, trame sonore qui a été composée par le célèbre trompettiste Miles Davis et l'artiste multi-instrumentaliste Marcus Miller. Donc, sous le titre Music for Siesta, nous avons fait jouer la séquence Theme for Augustine, Wind, Seduction, Kiss. Et pour amorcer la séquence musicale, c'était la formation Coil qui nous offrait sa réinterprétation de Who by Fire, originalement composée par Leonard Cohen. Il est possible de trouver cette réinterprétation sur l'album de Coil intitulé Ars Rotorvator, publié en 1986. En conclusion de cette transmission 570 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la formation Teke Teke. De son deuxième album Agatha, lancé en 2023, nous entendrons la pièce Kaki Jiu. La transmission 571 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain dès 17h avant d'être rendue accessible sans contrainte spatio-temporelle parmi les archives numériques d'Audiomatique, que vous pouvez consulter, entre autres, à travers notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Teke Teke avec la pièce Kaki Jiu. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you. 足をなくした私は大きな鏡に飛び込んだ。鏡の奥は深い海の底のようにひんやりととろみを帯びていた。万華鏡の光が広がりながら回転してるような、中身のない柱時計が鳴ってるような、そんな音がする。いつの間にか私はクジラになって、昼間の月の下、羽を広げてすごい速さで海を進んでいた。